Chapitre 8e. Maintenant qu'il était seul avec l'oncle Ducray, Ribert allait donc pouvoir lui demander sans fausse honte le salut. Parler de 80 000 francs à un homme qui rachetait la banque de Swab, l'emprunt de Swab, Victor ne savait quoi. Ce n'était pas être bien indiscret. Bien indiscret, non, mais c'était dur. Le malheureux homme éprouvait à parler une difficulté soudaine, comme si quelque griffe l'eût pris à la gorge. Le terrible était de commencer. Que dire? On devait manquer d'air dans ce salon trop plein de meubles, car Ribert se sentait étouffé. Il regardait l'oncle Ducray, enfoncé dans son fauteuil, et les mains croisées sur ses genoux repliés comme une momie mexicaine. Il lui semblait que le vieux railleur, sous sa calotte noire, avait un sourire plus malin que tout à l'heure. Il flairait peut-être un emprunt. Il pensait peut-être « Va, mon garçon, je t'attends. Va, va, mon bonhomme !» Ribert en eut froid dans le dos. Il parla alors de toute autre chose, de la santé de l'oncle, du temps qu'il faisait, des banalités habituelles. Il prenait le chemin le plus long, mais il arriverait à son but. Oh, il y arriverait. Et les chers visages d'André et de Geneviève étaient là, se penchant vers lui, disant tout bas « Du courage !»« Oui, certainement, tout à l'heure, tout à l'heure !» L'oncle Ducray répondait de sa voix de cuivre. « Il allait bien, merci. » « Oh, il n'en était pas à donner congé à la vie, non, non. » Victor le voyait bien. Il avait cette volupté âcre d'entendre danser les écus, de faire la hausse, la baisse, de déterminer le mouvement, de taquiner les plus fiers. « Oui, moi, ce vieux crevé de Ducray, comme ils disent, j'ai plus d'une fois ennuyé Rothschild. Ah, c'est diantrement bon, c'est bon la bataille, comme dit Molina. » Et Ribert, frissonnant un peu, entendait rire ce squelette qui s'agitait et se frottait les mains. Les prunelles allumées, voyant comme à travers les parois de son salon, la cohue, les stupéfactions, l'effarement, les colères, les bousculades de bourse lorsqu'on apprendrait tout à l'heure que le syndicat, et il contrefaisait le gros Marseillais, avait fait la rafle sur les Swabs. Ribert éprouvait même un saisissement singulier. La lumière du dehors, entrant par les vitraux coloriés, frappait droit sur un Christ polychrome enlevé à quelque église espagnole et dont les yeux de verre fixe, comme animés sous la couronne de cordes, regardaient tout juste avec une étrange expression de douleur, une pitié souffrante, ce moribond qui s'amusait là à deux pas de la mort, d'une opération de bourse, où son anémie trouvait un bain d'or, une volonté de Shylock. Le vieux avait surpris sans doute l'œil de son neveu arrêté sur le Christ, car il lui dit « Qu'est-ce que tu examines là ?»« Rien, mon oncle. Ce cabinet, peut-être ?» Il montrait du doigt le cabinet espagnol en écaille feu sur lequel la tête du Christ était posée. « Oh, c'est un chef-d'œuvre !» dit l'oncle Ducray. « Regarde-moi ces petites colonnes torses, et ça c'est joli, et les bronzes des serrures. J'en ai vu beaucoup de ces cabinets espagnols. Mais pas un de cette finesse. Un tas de tiroirs, et cela ferme comme des serrures fichées. La petite Raymonde le reluquait l'autre jour, mon cabinet feu. Elle a le goût du bibelot aussi, la gamine. Mais ce ne sera ni pour elle, ni pour toi, ni pour personne. Mais, mon oncle, fit Ribert comme pour s'excuser. Le vieux l'interrompit, sa longue main maigre s'agitant au bout d'une manche trop large. Moi parti. Oh, ne crains rien, Victor. Mon sleeping car n'est pas retenu. » Et son rire faisait mal à Ribert. Moi parti, on portera tout cela à l'hôtel des ventes, où l'on mettra ça à l'encan, ici, chez moi. C'est mon amour propre. On saura plus tard quel flair j'ai eu toute ma vie. Ici, ici, oui. Il y a pour des sommes insensées de bibelots. Et j'ai payé ça. Pah, 40 000 francs peut-être en tout. Je savais acheter, moi. Ils verront, les malins. Ils verront ce qu'était Sylvain Ducray. Les amateurs se battront pour un tas de choses à moi. Tu verras, tu verras. À moins que tu ne meures avant moi, ce qui est possible. Tu regardes le Christ aussi. C'est un Ecce Homo en bois sculpté par Berruguette et qui vient de l'église de Tarragone. Il a l'air vivant, hein? Si vivant qu'avec ses yeux fixes, plantés droit sur le mince visage du vieillard, il faisait peur, pensait Ribert. Il avait l'air de guetter ce mourant. La conversation semblait envolée à présent vers d'autres sujets que celui qu'importait à Victor. Comment la ramener au but précis? Il fallait être un autre diplomate que le négociant. Puis, décidément, le vieux duc flairait l'emprunt comme un terrier la souris. Victor essaya une ou deux fois de glisser à voix basse, le pauvre homme, une confidence. Il se plaignait, parlant entre ses dents, de la difficulté des transactions, de la rareté des clients, et tant d'efforts devenus vains. Mais la surdité bizarre dont, par accès, Sylvain Ducret paraissait atteint, arrivait alors tout juste à point pour empêcher le vieillard d'entendre. Alors Hibert s'arrêtait, la gorge serrée et les veines de ses poignets battant la fièvre. Et peut-être, après tout, l'oncle n'avait-il rien entendu, réellement? Il reprenait ses confidences de vieux tripoteur, tenant de loin les ficelles de la bourse. Il énumérait de sa voix creuse avec ses ricanements de trompette les bons coups qu'il avait faits. Il avait dans les yeux l'expression presque sensuelle d'une jouissance intérieure. Ah, que c'était amusant, l'argent, le coltage pour l'argent, la lutte pour le million. Pah, le million. On jongle avec ça maintenant comme jadis avec 10 000 francs, le million. C'était simplement aujourd'hui l'unité, comme le franc l'était jadis. Un simple soldat, le million, dans ce massacre de la bourse. Un piou-piou, le million, rien de plus. Et Ducret riait de sa plaisanterie qui glaçait Ribert jusqu'aux os. 1, 2, 10, 20 millions, cela sautait, voltigeait, s'évaporait, se volatilisait, crevait en l'air comme des bulles de savon. Tu ne comprends pas ça, Victor, mon garçon. Tu vis ton petit train-train. Tu es négociant. Tu ne livres rien au hasard. Tu as raison. Mais si tu savais comme c'est bon de mener la ronde du fond de son fauteuil. J'ai eu pas mal d'aventures dans ma vie, mais, ma parole, je crois que ce qui m'a donné le plus de jouissance, c'est cette bourse que j'embête, que je mène et où je ne vais pas. » Le vieux s'était penché hors de son fauteuil lorsqu'il avait parlé de ses aventures d'autrefois. Et Ribert avait vu sur ce masque osseux passer comme un rictus de faune moribond. Mais au frottement des mains sèches de ce vieillard, son neveu devinait en effet des voluptés d'avares, des joies d'usurier allant jusqu'au fond des moelles. Il avait l'air féroce. Alors, l'oncle Ducret grimaçant et ridé, l'œil rusé, la lèvre ironique et qui déchirait. Mais puisqu'il avait parlé de commerce, puisqu'il avait mis en cause la maison Ribert, c'était le moment de tout lui dire, tout. Victor se raidit intérieurement comme un conscrit au moment de l'assaut. « Allons. Mon oncle, » dit-il brusquement, mais Sylvain Ducret n'entendait pas. « Mon oncle. »« Ah, tonnerre de chien !» s'écria le vieillard en bondissant tout à coup dans son fauteuil. « J'oubliais. J'oubliais l'ordre à Rodion pour le Suez. »« Victor, » dit-il à son neveu, « le cordon de sonnette, je te prie, deux coups, là, deux coups. » Ribert avait étendu son bras vers le cordon. Mélie Brunet accourut, essoufflée, plus rouge encore, et se glissa par l'entrebâillement de la porte. « Du papier ?» demanda le vieillard. « J'ai à écrire. Et il faudra tout de suite, envoyer cela à M. Rodion, en bourse. » La petite vieille parut suffoquée. « C'est que M. Vincent vient de sortir. Une course à faire. Le cocher promène ses chevaux et je ne peux pourtant pas laisser monsieur. Que diable, il est toujours en course, Vincent !» fit l'oncle Ducret, l'air mauvais. « Il faut pourtant que cet ordre soit porté, et tout de suite. »« J'appellerai un commissionnaire, monsieur. » Nerveusement, la plume frétillant entre les os de ses doigts, l'oncle écrivait tout en grognant. « Un commissionnaire, un commissionnaire. La bourse aura le temps d'être fermée avant qu'il n'arrive. Ils ont les pieds en plomb, les commissionnaires. »« Mais, » dit Ribert, « si vous voulez, je me charge, moi, de remettre votre ordre à monsieur Rodion. »« Toi, c'est juste, au fait. » Mais pars tout de suite, ne perds pas un moment, mon garçon. Va, va, va. Tu es bien gentil, bien complaisant. Aussi, tu sais, et le visage du vieux eut silencieusement un rire narquois, je ne t'oublierai pas. Tu peux être certain que je ne t'oublierai pas. Tu verras ça, tu verras. Ribert se sentait devenir tout rouge et le papier que lui avait remis Ducret tremblait dans sa main. Non, jamais il n'aurait osé rien demander à cet homme qui lui donnait là pour remerciement. Comme une promesse d'aumône. Il n'était pas fait pour solliciter, décidément, il ne savait pas. Il avait fait un geste au « tu verras » de l'oncle Ducret. L'oncle comprit et se mit à rire. « Oh, ça n'engage à rien, ce que je te dis là. Je t'enterrerai peut-être. J'en ai enterré bien d'autres. Va vite, mon garçon, va. Rodion, tout le monde te le montrera, Rodion. Et vous, madame Brunet, laissez-moi. Je vais essayer de dormir un peu. Oh, je suis fatigué. » Il tendit sa main de squelette à Victor Hubert et se laissa aller dans son fauteuil, abaissant sur ses prunelles ses paupières plissées. Et son neveu ne put s'empêcher de regarder encore ce grand vieillard osseux étendu là, comme sous les yeux fixes de ce Jésus émacié, d'une pâleur de mort, cruellement vrai et qui, livide, le front saignant, contemplait d'un air de pitié. Ribert les laissait en quelque sorte face à face, le moribond et le Christ de bois, et il lui semblait que l'oncle Ducret restait là comme devant un juge. Le malheureux emportait d'ailleurs de cette visite à l'oncle Ducret une impression de désespoir effaré et de colère contre lui-même. Imbécile. Imbécile qui n'avait pas osé parler, pas osé, oh, certes, non. C'était presque pour s'enfuir plus vite qu'il avait demandé de porter l'ordre à Rodion. Il étouffait devant Sylvain. Ce squelette ricanant lui causait une sensation de colère. Cet homme, encore vivant, était à coups de couteau, découpé dans un bois plus sec que le Christ de Tarragone. Rien à demander, rien à attendre. L'attendrir, impossible. Pour l'empaumer, il fallait d'autres gens que Ribert. De gros hableurs tonitruants comme ce Molina, avec sa verve de tripoteur marseillais. Des malins comme Rodion, mais lui, Ribert, ah, pauvre brave homme de la race des dupes, il était pour user sa vie, ses énergies, ses espérances au fond de son bureau, comme un expéditionnaire y use ses manches. Imbécile, imbécile, imbécile. Ah ça. Mais c'était donc bien difficile d'entrer comme ces gens, Molina le tombeur, Rodion, l'oncle Ducret, tant d'autres, dans ce qu'on appelle le mouvement. Il fallait donc du génie pour jouer à la bourse. Jouer. Le mot donnait à Ribert des tentations à la fois et des terreurs. Jouer, mais on ne joue pas, on fait des affaires, on brasse l'argent, on fait sauter cette unité et le million comme on ferait sauter un franc. Il revoyait encore le geste de Sylvain Ducret lorsque le vieux avait dit « Pouah, le million, on jongle avec ça !» Et tout en marchant par la rue du 4 septembre, étincelante au soleil de mai, pour aller à la bourse, Ribert se répétait les légendes tant de fonds tendus de gens faisant là-bas fortune en un jour, en une heure. Oui, comme ça, d'un coup de crayon, en soufflant dessus. Une fièvre le gagnait. Il se trouvait ridicule de bûcher comme un manœuvre pour aboutir. À quoi? À quoi, je vous le demande? À être aussi pauvre que ces commis qu'il employait. Plus pauvre qu'Olivier Giraud, qui était libre et qui pouvait, demain, trouver une situation considérable, tandis que lui, Ribert, s'il croulait. Qui vaudrait de lui? Une épave, un être tombé, un enfoncé. Mais voyons, que lui avait donc dit tout à l'heure Molina? On pouvait entrer avec ce titre, notable commerçant, dans un conseil d'administration. Eh bien, pourquoi n'y entrerait-il pas? Il fallait vivre de la vie de son temps, les affaires se déplaçaient, tout allait là, là, dans cette halle de l'argent, dont il apercevait les colonnes grises au bout de la rue, de l'autre côté de la place. On y vendait les millions à la criée, on s'y battait pour la fortune. Le cœur de Paris était là, hypertrophié, gonflé, prêt à se rompre, mais ses ventricules absorbant, comme du sang en circulation, toute la richesse, la vie même du pays. Ribert n'avait jamais vu la bourse qu'en passant. C'était un monde nouveau pour lui. Il en éprouvait instinctivement la terreur vague, comme de quelque tripot immense, où il eût redouté de poser le pied. Maintenant, pour la première fois, dans l'éblouissement de cet après-midi de printemps, la bourse noire de monde, avec le ruissellement de ses habitués sur les marges de pierre, la bourse bruyante, ensoleillée, pleine de poudre, lui parut attirante comme une femme. Il en sentait l'odeur du gouffre. Cette foule, sur cette place, tout ce monde, cette double file de voitures arrêtées devant la grille, ces tas humains sur le trottoir et sur l'escalier, autour des colonnes, contre les piliers, partout, cette poussée d'appétit et d'intérêt, cette houle de chair battant la pierre, donnait à Ribert une sensation singulière qui ressemble à de la griserie. Il avait l'air étonné d'un provincial dans ce milieu nouveau, capiteux, et il se sentait la tête vide, troublé comme après des accès de fièvre. Ceux qui se brassaient là d'affaires et ceux qui se remuaient de millions. Comme c'était vivant et turbulent, et actif et entraîné par une furie du diable, ce coin de Paris où le soleil nouveau flambait, tombait, brûlait comme de l'or en fusion. À son tour, comme Geneviève, Le négociant trouvait que son rez-de-chaussée de la rue de Châteaudun avait des odeurs de cave, on y étouffait, tandis qu'ici... Ah, ici, dans ses cris, ses appels, ses coups de coude, ses bras levés avec leurs signes télégraphiques, cette senteur de bataillé de lucre, c'était la vie. La vie en pleine lumière, une espèce d'émeute tapageuse, l'assaut quotidien donné à la fortune. Il y avait, dans des coupés, des femmes furtives en chapeau rembrandt qui montraient leur fin profil aristocratique et donnaient des ordres à des commis. Eux, debout, près de la roue, très élégants, inscrivaient d'un bout de pencil la valeur achetée, avec la grâce féminine de coquette que leurs clientes eussent pu avoir en notant les valses prochaines sur leur carnet de bal. Ribert aussi voyait, près de la grille, des tas de vieilles femmes aux chapeaux bizarres, leurs châles collant à leurs épaules maigres, ou tirés par la rotondité de leur poitrine, tricoteuses de la spéculation, courtières de hasard, ramasseuses des miettes du mouvement, et accroupies là, lisant leur journal avec leur cabas pour pupitre. Un gigantesque marché où l'on ne vendait que du papier, où les coups de crayon valaient des fortunes, où l'on se poussait, se pressait dans un ruissellement noir, qu'effarait Ribert ahuri, assourdi par cette clameur et ce clapotis de mer humaine. Jamais il ne trouverait Rodion dans ce tas et ce fleuve d'hommes. Rodion, est-ce qu'on pourrait reconnaître quelqu'un parmi cette cohue? Il semblait à Victor que l'individu était là, roulé et broyé comme un caillou. Ni la fortune ni la vie d'un homme ne devaient peser lourd. Il s'adressa, comme au hasard, au premier boursier venu. Il demanda Rodion. On lui montra Rodion. Là-bas, deuxième pilier. Un quartier général, sans doute, un poste de bataille. Entouré de gens qui guettaient ses ordres, épiaient son regard, l'étudiaient comme des soldats le visage de leur chef à l'heure du danger, le petit homme râblé, noir comme un encrier, se tenait apposé contre le pilier désigné, les mains dans ses poches. Il y avait un sourire malin sur sa maussade figure d'homme de loi. Ribert entendait dire autour de lui que Rodion méditait un coup. Il le connaissait, le coup. S'il eût voulu, il eût pu en prendre sa part. Il se sentait gagné, comme par une marée qui montait, par une tentation de jouer, de parier, un besoin presque physique de se jeter dans la mêlée, hop, comme dans un bain. Il avait éprouvé de ses éblouissements, de ses fringales de hasard, autrefois à Ems, devant le tapis vert où roulaient les Frédéric d'or. Il tendit à Rodion, étonné de le voir là, le bout de papier de l'oncle Sylvain. « Ah !» dit le financier, « c'est de Ducray. « Très bien, merci. » Et rapidement, crayonnant une ligne ou deux sur une fiche, il la passa à un petit jeune homme roux et pâle, aigu comme un furet, qui se perdit dans la foule, disparut en un clin d'œil. Rodion ne s'apercevait même pas que Victor Ribert demeurait là, écoutant, et il continuait une conversation inintelligible, traversée de plaisanteries vulgaires. Matériellement, dans cette cohue, Ribert étouffait maintenant. Il se débattit dans la foule qui bousculait ce nouveau venu tout exprès, et il se retrouve avec joie au bas des marches, humant l'air. Il avait soif, c'était vraiment la fièvre. Il traversa la place, entra dans un café, prit machinalement un journal. L'argent, la préoccupation de l'argent, la tentation même qui le brûlait, le poursuivait jusque-là. Ses regards tombaient sur des annonces fantastiques où il lisait, stupéfait, 50 000 francs nets à gagner par an. Sans aptitude ni connaissance spéciale et sans risque, prix 25 000 francs après fortune faite. Sans aptitude, sans rien savoir, comme cela, tout d'un coup, pour 25 000 francs, on vous en faisait gagner le double par an. Comme dans cette bourse était, dans ce journal, l'appel au lucre sans peine, à la fortune sans travail, à l'argent trouvé, gagné au plus facile, au hasard, honnêtement ou malhonnêtement, peu importe, on ne savait pas. Des mensonges. Une folie. Mais cette folie même montait au cerveau de Ribert. Il revoyait, ricanant, narquois, le maigre visage de l'oncle Ducray, qui lui semblait dominer toute cette foule noire se démenant là-bas, criant, hurlant, et dans une sorte d'hallucination, tout ce monde courant, effaré, haletant, s'arrêtant aux portes des changeurs pour regarder les cours tracés à la craie, ou se précipitant vers la bourse comme des combattants dans la fournaise. Cette foule, ce ruisseau d'hommes où la boue ne manquait pas, tout prenait soudain un aspect fantastique et semblait une cohue affolée, une armée en déroute ou encore quelque ronde démoniaque fouettée et foyée par un seul appétit, la pièce de 100 sous, le louis, l'argent et l'or. Il fut subitement tiré de ce cauchemar d'homme éveillé par un gros rire, une grosse voix et une grosse main. C'était Guillemard qui, le touchant sur l'épaule, lui disait « Eh, que diable viens-tu faire là, toi ? Jouer ? Pas de bêtises, on y laisse sa peau. » « Non, » répondit Victor. « Je viens voir, tout simplement. » Il eut un moment la pensée que ce qu'il n'avait pas osé demander à l'oncle Ducret, il pouvait peut-être le réclamer au cousin Émile, avec un peu de courage. Mais non, décidément, le courage lui manquait pour cela. Il n'en avait que pour se tuer à la tâche, mais emprunter. Les mêmes hésitations et les mêmes fièvres éprouvées en allant chez Ducret le ressaisissaient. Là, triplé par une émotion poignante. Emprunter. Il n'eut même pas achevé la phrase commencée. D'ailleurs, instinctivement, ce n'est pas à Guillemard qui lui a rien demandé. Trop souvent, Geneviève opposait le sort d'Émile à celui de son mari. Il réussissait à tout, Guillemard. Il était riche, Guillemard. Avec Guillemard, comme une femme serait heureuse. Ribert n'en était pas jaloux, mais demander quoi que ce fût à Émile lui semblait trop dur. Quelle pensée venait-il d'avoir? Ce vieux mohican de Ducret valait encore mieux. « Je te quitte, » dit Guillemard, pressé. « J'ai de l'huile sur le feu. Compliment à ta femme. » Ribert le vit traverser la place, causer un moment avec un autre gros homme, que le négociant reconnut bien, Molina le tombeur, puis disparaître avec lui, gesticulant dans la cohue noire. « Molina, » songeait Ribert, « si pourtant ce qu'il m'a dit était possible. » Au lieu de traîner ma vie de tortue, inutile et pauvre, si j'entrais, moi aussi, dans le mouvement. Le mouvement. Cette exacerbation de vie, ce flamboiement de lumière, ce fourmillement d'êtres humains, cette surexcitation et ce déglacement d'existence avec la fortune au bout, la fortune, le grisait décidément. J'écrirai demain à Molina. Molina était là. Ribert n'avait qu'à parler à Molina. Encore une fois, il n'osait pas. Écrire, c'est plus simple. Oui, c'est bien plus simple d'écrire. Allons, oui, j'écrirai. Et, longeant encore la grille de la bourse, poursuivi par le murmure sourd du fleuve d'hommes, Victor Ribert reprit le chemin de son office, n'ayant rien obtenu de ce qu'il espérait, mais se répétant encore, demain, oui, demain. Et, quoiqu'il n'eût pris qu'une gorgée de bière, chancelant presque, en marchant comme un homme ivre,